Paul, je vais à la maternité voir le petit, tu viens ? Ah non, je dois absolument acheter ma Volkswagen. Ça va, elle va pas se sauver, c'est ton neveu quand même. Parce qu'il va se sauver, le neveu peut-être ? Hein ? Il va faire comment ? Il va voler une poussette ? Ah bah non, je suis bête. Il va faire le mur en nouant ses langes. T'es tendu, toi ? Pas du tout. Si. Ne laissez pas passer votre chance. Du 14 au 18 mars, profitez du crédit 0% sur toute la gamme Volkswagen. Retrouvez cette offre dès maintenant sur Volkswagen.fr. Pour 10 000 euros empruntés, 1 500 euros d'apport, 36 mensualités, total dû 10 000 euros. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, conditions sur Volkswagen.fr. La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Et donc un club de la tête au carré niçois cet après-midi à l'occasion du festival Neuroplanète qui se déroule jusqu'à demain au centre universitaire méditerranéen organisé par nos partenaires du Point. Et ce sont donc les extraordinaires pouvoirs du cerveau qui sont au cœur de cette quatrième édition au cours de laquelle vous allez pouvoir assister, si vous êtes dans la région, à des conférences et des ateliers pendant deux jours. Des neurologues, psychologues, écrivains, intellectuels et sportifs viennent échanger sur les connaissances autour du cerveau. Tout le programme est d'ailleurs disponible sur neuroplanète.com. Au cours de ce club, nous allons évoquer quelques-uns des sujets présentés ici à Neuroplanète, parmi lesquels les liens entre le microbiote et le cerveau, les plis de notre cortex et puis le sport et les commotions cérébrales. Je vous présente mes invités tout de suite. Nous sommes en direct des studios de France Bleu Azur. Fanny Boyon réalise cette émission qui a été préparée par Lucie Sarfati. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Je salue les invités de ce club, Laure Tabouy, Flore Marty, Jean-François Bouvet et Jean-François Mangin. Bonjour à vous quatre. Bonjour. Et bienvenue Jean-François Bouvet, vous êtes docteur en neurobiologie, éditorialiste au Point, écrivain. Votre dernier ouvrage s'intitule « Bébé à la carte » aux éditions Équateur. On va parler avec vous de cette nouvelle édition de Neuroplanète. Ça démarre très fort hein, d'ailleurs depuis ce matin, vous avez déjà fait le plein. Oui, on a fait le plein. Il y a pas mal de conférences qui sont affichées complètes. Ouais. Donc oui, c'est un succès satisfaisant. Le public de la Côte d'Azur est donc au rendez-vous et apprécie la thématique du cerveau. Laure Tabouy, vous êtes chercheuse en neurosciences à Bruxelles désormais. Vous étudiez les liens entre le microbiote et le cerveau. Des liens très directs, comme on l'a découvert il y a assez peu de temps finalement. C'est assez récent. Des liens très directs comme indirects. Ça peut être les deux. Oui. Un sujet extrêmement intéressant. Effectivement, je viens juste d'arriver à Bruxelles. Ouais. Qu'est-ce que vous faisiez jusqu'à maintenant ? J'étais à l'Institut de neurosciences de Paris-Saclay, à neuropsy, et avant en Israël, où j'ai travaillé exactement sur le microbiote et le cerveau. Et là, vous êtes dans une biothèque qui s'appelle Amantia, donc à Bruxelles. Mmh. Qu'est-ce qu'on y fait exactement autour de ce lien microbiote-cerveau ? Alors, c'est pas forcément un microbiote cerveau à Amantia, mais c'est le lien avec plutôt l'obésité, le diabète, et une manière de, voilà, comment est-ce qu'on peut utiliser le microbiote qui est naturellement chez nous pour traitement dans l'obésité. Voilà, en tout cas des pistes absolument passionnantes et récentes, hein, on le dira tout à l'heure avec vous. Jean-François Mangin, on va rentrer avec vous dans les plis de notre cerveau. C'est un sujet qu'on a très peu abordé d'ailleurs dans l'émission, alors qu'on a abondamment parlé du cerveau depuis que la tête au carré existe. Est-ce qu'on est capable de mettre le cortex à plat aujourd'hui et d'en comprendre l'organisation exacte ? Alors, dans certains contextes, des gens en fait mettent à plat le cortex en le gonflant comme un ballon de baudruche. Ouais. Et en fait, c'est les gens qui s'intéressent pas aux plis, ils veulent les faire disparaître. Ouais. Moi, je fais le contraire parce que je suis convaincu qu'on peut y déceler des informations sur les forces et les faiblesses des gens et puis diagnostiquer un certain nombre de pathologies. Ouais, mais c'est très compliqué de regarder dans les plis du cerveau parce que c'est ce qu'on appelle les circonvolutions aussi. Voilà. C'est la même chose. En fait, c'est trop compliqué pour l'entendement humain et c'est pour ça qu'en fait, moi, j'amène sur la table des outils d'intelligence artificielle. On a besoin de l'IA pour réussir à comprendre ce qui se passe dans nos plissements. Ouais, et là, vous dévoilez un continent jusqu'alors ignoré, on pourrait dire presque les choses comme ça ? Quasiment, quasiment. Ouais. Et ces plis du cerveau, alors qu'est-ce qu'ils nous racontent ? En fait, il y a plusieurs choses qu'on peut trouver dedans. D'abord, il se passe un phénomène pendant la grossesse qu'on n'a jamais pu observer pendant le dernier trimestre. Les plis apparaissent en quelques mois. Et si jamais, en fait, il y a des problèmes de développement pendant la grossesse, il s'imprime certaines signatures caractéristiques, par exemple caractéristiques de l'épilepsie. Et puis après, pendant toute notre vie, notre cerveau change de forme. D'abord parce qu'il y a des régions qui grossissent et ensuite parce qu'on perd des neurones quand on va vers la sagesse, vers le grand âge. Il paraît, oui. Et parfois, on en perd plus dans certains endroits spécifiques qui sont en fait la trace du début d'une pathologie neurodégénérative. Ouais, d'où l'intérêt évidemment d'observer ces plis de très très près. C'est passionnant, c'est assez nouveau pour nous et on va en discuter avec vous dans un instant. Et puis enfin, Flore Marty, avec vous, nous allons discuter d'un autre sujet, les commotions cérébrales dans le sport. Par exemple, lorsque deux rugbymen se foncent dessus, hein, il y a beaucoup d'autres exemples, les chocs peuvent être très violents pour la boîte crânienne. On va faire le point, mais ce serait surtout la répétition des chocs qui auraient des conséquences ou qui pourraient avoir certaines conséquences à court, à moyen et à long terme. Donc dans le milieu du sport, très important de communiquer aussi là-dessus, sur cette question. Ouais. Ouais. Est-ce que les sportifs sont conscients des dangers? Parce qu'il y a énormément de sports qui peuvent être concernés par cela. Tous les sports peuvent être concernés, et puis même dans les accidents de la voie publique, les choses comme ça, bien sûr, tout le monde peut subir une commotion. Et effectivement, avec la mise en place d'un protocole depuis 2012, notamment dans le milieu du rugby, on voit que les sportifs, en tout cas de haut niveau, sont de plus en plus concernés, de plus en plus inquiets aussi. Et malheureusement, dans le milieu amateur, l'accès à ces connaissances et puis à ces prises en charge n'est pas encore suffisant. Mais en tout cas, votre travail est là justement pour informer, et on va voir exactement comment vous étudiez cette problématique, et on va étudier justement tous ces sujets avec les auditeurs qui nous rejoignent en direct, même si nous sommes à Nice. Évidemment, vous pouvez nous envoyer vos messages sur l'ensemble de ces thèmes, franceinter.fr, et le mot-clé, l'attaque. Jean-François Bouvet, donc 4e édition de Neuroplanète, tout ça se passe au CUM, le centre universitaire méditerranéen, jusqu'à demain, donc 2 journées consacrées au cerveau. Là, on en a déjà un échantillon, c'est absolument sous toutes ses facettes, hein. Ah oui, il y a un très large panel d'intervenants avec des spécialités très différentes. Et ce qui est intéressant, c'est justement de les réunir et de croiser les points de vue, les informations concernant le cerveau. Et comme ça va très très vite, comme la recherche progresse très vite, c'est évidemment passionnant. Alors, les ateliers interactifs, ça consiste en quoi exactement? Vous mettez le public à contribution? Oui, tout à fait. Oui, le public peut s'inscrire à différents exercices, pour tester telle ou telle capacité. Et ça aussi, ça fait le plein, ça, même ce qui a fait le plein en premier, on va dire. Ouais. Alors, vous êtes vous-même un docteur en neurobiologie. Qu'est-ce qui fait qu'on se presse pour aller entendre parler du cerveau? Alors, pourquoi ça fascine autant cet organe? Il y a quelque chose d'un petit peu contradictoire. D'un côté, c'est une boîte noire dont finalement, on ne sait pas tout, loin de là. Mmh. On commence simplement à rentrer un petit peu dans la boîte, beaucoup moins qu'on pourrait l'imaginer. Et d'un autre côté, il y a quand même une accélération des progrès et une amélioration des outils d'investigation qui font que on a quand même le sentiment que les choses progressent et donc on apprend assez vite un certain nombre de choses sur le cerveau. Donc c'est à la fois un continent secret, mais c'est un continent qui est en voie d'exploration, ça a vraiment commencé. Ouais, Jean-François Mangin, quelle serait votre explication, vous, sur l'intérêt du grand public, justement, sur l'organe cerveau? Parce que, bien au-delà des laboratoires de recherche, c'est vrai que tout le monde s'intéresse à ce qui se passe là-haut, quoi. Il y a forcément une fascination pour qui on est, mais il faut aussi dire que je pense qu'il y a à peu près un tiers de la population qui, à un moment ou un autre dans sa vie, va être confrontée à une pathologie du cerveau, qu'elle soit psychiatrique ou liée au vieillissement. Et donc forcément, on a tous des gens malades autour de nous, on rêve tous que la recherche avance et on vient se renseigner dans ce genre d'événement. Ouais. Laure Tabouy, vous pensez justement que l'aspect pathologie est une porte d'entrée sur la curiosité qu'on peut porter au cerveau? Ça peut être une grande porte d'entrée, effectivement. L'autre porte d'entrée que je vois, c'est aussi la curiosité que donne cet organe un peu particulier, le cerveau, qui est un peu impalpable. On n'arrive pas à le palper. Il est dans notre boîte crânienne. Mais c'est ça. Il est bien planqué. Il est bien planqué. Il est vraiment au chaud. Et je pense que ça fascine beaucoup parce que il est pas maîtrisable dans nos mains. Ouais. C'est quelque chose assez fascinant pour beaucoup de monde. Ouais. Flore Marty, alors de quoi s'occupe la neuropsychologie, par exemple, dans ce large domaine du cerveau? Justement, ce qui est intéressant dans l'approche du cerveau, alors nous, c'est vrai qu'on essaie de faire le lien de comprendre vraiment le fonctionnement de la personne. Et pour ça, il faut le prendre en compte toute la complexité, donc les capacités cognitives qui sont évidemment soutenues par le cerveau. Mais le cerveau est aussi le siège de notre identité, et puis de nos capacités d'adaptation, etc. Et donc le neuropsychologue permet de participer au diagnostic, mais aussi d'aider les personnes à mieux fonctionner. Ouais. Donc il n'y a pas que l'organe biologique, hein, finalement, hein, qui entre en compte dans toutes ces recherches. Jean-François Bouvet, alors les temps forts de Neuroplanète, on peut en donner quelques-uns, parce que ça n'a fait que commencer ce matin à 10h, par d'ailleurs une conférence autour de la science-fiction, on va y revenir dans un instant. Qu'est-ce qu'il faut retenir là, des quelques rendez-vous que vous proposez au public ici? Oui, en dehors de la science-fiction, c'est intéressant, parce que finalement, comme c'est quelque chose qui avance très très vite, je crois que le public est très friand de savoir si ce qu'a prévu la science-fiction, c'est effectivement réalisé, souvent le cas. Mais il y a beaucoup de choses extrêmement variées. Bon, ce matin, j'ai assisté par exemple à une conférence sur les stéréotypes. Oui. Les stéréotypes de genre, mais pas uniquement. Et donc, comment on peut les démonter, des expériences qui montrent qu'ils sont bien là. Donc là, c'est tout à fait une autre approche. Il y a aussi des approches beaucoup plus structurales, comme celle de Jean-François Mangin, par exemple. Il y a aussi donc des choses sur les maladies neurodégénératives qui intéressent beaucoup. À titre d'information, moi, je discutais ce matin avec François Ferron, qui est professeur à Aix-Marseille, professeur de neurobiologie, oui, qui travaille sur Alzheimer et l'autisme. Et il me disait, l'Alzheimer, c'est à 90% d'origine environnementale. Moi, j'avoue qu'il me l'a appris. Alors, il y a peut-être aussi là un intérêt particulier pour le fait qu'on commence à s'apercevoir que l'environnement n'est pas sans action sur le cerveau. Ouais. Quand on parle d'environnement, on parle d'épigénétique aussi, finalement. C'est tout ce qui peut jouer aussi sur nos cellules. Hein. Absolument. Bon, on est tributaire de nos gènes, mais enfin, on sait depuis maintenant une bonne dizaine d'années à quel point, même si on a un code génétique qui est bien déterminé, l'environnement exerce une action sur la manière dont le gène s'exprime. Donc, on se rend de plus en plus compte, y compris dans le cerveau, que notre environnement est absolument déterminant. Alors, Jean-François Bouvet, justement, ce matin, en parlant de science-fiction, je crois que vous avez diffusé au public un extrait de Bienvenue à Gattaca, hein, si je ne m'abuse. Là, on en a parlé, oui. Vous en avez parlé. Bon, on va en écouter un extrait ensemble, d'accord, et puis on va le commenter, parce que les questions éthiques intéressent aussi beaucoup le public autour du cerveau. Comme la plupart des parents de leur époque, ils avaient décidé que leur prochain enfant viendrait au monde grâce à ce qui était devenu la méthode naturelle. Après une présélection, nous nous retrouvons, comme vous le voyez, avec deux garçons sains et deux filles très saines. Naturellement, pas de prédisposition à aucune des plus graves maladies héréditaires. J'ai pris la liberté d'éradiquer tout risque de préjudice potentiel tel que calvitie prématurée, myopie, alcoolisme et prédisposition aux dépendances, tendance à la violence, obésité, ce genre de choses. Nous ne voulons pas qu'il ait des maladies, certes, mais... Oui, nous demandions seulement si ce serait bien de laisser quelques petites choses au hasard. Vous voulez donner à votre enfant le meilleur départ possible? Faites-moi confiance, il reste déjà suffisamment d'imperfections. Et gardez à l'esprit que cet enfant est toujours vous. Simplement le meilleur de vous. Voilà, ça c'est vraiment exactement le sujet de votre livre, Bébé à la carte finalement. Ah bah tout à fait, et puis c'était incroyablement prémonitoire. Moi, ouais. Quand j'ai fait ce bouquin, je me suis dit, mais ils avaient tout compris dans ce film. Ouais. Et on est en plein là-dedans. Ouais. Alors il y a eu une affaire très récente aussi, oui, sur ces bébés OGM, oui, avec ce chercheur chinois, oui, oui, qui en manipulant justement le génome de ses enfants par le biais des ciseaux CRISPR-Cas9, hein, oui, cette technique, justement cet outil moléculaire, est parvenu à les protéger du VIH, hein. Oui, c'est ça, oui. Donc c'est exactement ce qu'on entend dans l'extrait de Bienvenue à Gattaca, hein. Pas tout à fait, parce que dans Bienvenue à Gattaca, en fait, l'idée, c'est de sélectionner les embryons sur des critères génétiques. Oui, alors c'est ça. Ouais. C'est pas encore de les modifier, ouais, mais c'est... En tout cas, c'est de pouvoir prévoir, enlever certains risques de maladies. Voilà, hein, exactement. Ouais. Et ça se développe à une vitesse incroyable. Bon, c'est ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire qu'on prend l'embryon, on le passe au crible d'un certain nombre d'études pour voir quel est son équipement génétique, son génome, et on va sélectionner les embryons sur des critères génétiques. Ça se fait déjà très largement pour le sexe de l'individu. Ça se fait depuis peu de temps pour la couleur des yeux. Aux États-Unis, on peut choisir la couleur des yeux. Ça va bientôt se faire pour la taille de l'individu, puisque c'est totalement prévisible. Et pire, si je puis dire, ça va se faire aussi sur des critères d'intelligence potentielle. Ouais, alors, on voyait tout à l'heure Laure Taboué dans cet extrait, les parents disaient, mais vous pourriez pas laisser quand même une petite part au hasard. Ils étaient quasiment désespérés en le demandant, mais c'est ça aussi, hein, c'est quelle part pour l'évolution normale des choses, hein. C'est quelle part pour l'évolution? Alors, la question éthique est vraiment centrale. En tant que nous, chercheurs, moi je suis assez sensible à l'éthique et les neurosciences, et je travaille là-dessus en parallèle dans mon autre vie de chercheuse et avec le réseau Optique Technologie et En fait, la question centrale, c'est nous, en tant que chercheurs, on fait des techniques, on élabore proposer. Des techniques, on propose des techniques et après... qui sont expérimentales hein, en laboratoire, mm-hmm. comme fait Jean-François Mangin, les plis du cortex, mm-hmm. Qui sont voilà, on explore, on est vraiment dans notre vie de chercheur et en même temps, on a la société à côté qui pousse, qui est en train de se demander voilà, on va attraper. Donc l'exemple du chinois, c'est notre cher collègue chinois qui ouais. a fait des bébés OGM et criant, c'est-à-dire qu'il est allé jusqu'à casser les codes éthiques ouais. mondiales quasiment. C'est ça. Et il y avait aucun code éthique en tout cas à l'européenne et c'est une question en tout cas moi en tant que neurobiologiste, c'est qu'est-ce que je fais moi en laboratoire pour qu'est-ce qu'on va faire de ces techniques pour ouais. que pour éviter aussi donc il va falloir réfléchir de cette façon ouais. Il va falloir réfléchir au niveau éthique, ouais. au niveau légal, au niveau peut-être européen aussi. Mmh. Voilà, au niveau de la Commission européenne, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour éviter. Bienvenue à Gattaca. Moi, il y a ouais. une phrase qui me prend vraiment, c'est voilà, ce bébé, il sera vous et rien que oui, vous. Là, moi, ça me. Ouais. Ouais, mais non, le meilleur de vous-même, non. C'est de l'eugénisme positif, mais c'est de l'eugénisme quand même. Voilà, mais en tant que chercheur, on a sûrement. Ouais. Peut-être une responsabilité aussi. Vous avez vu ça, en tout cas ces chercheurs qui ont publié un texte dans Nature là, cette semaine, dont mmh. Emmanuel Charpentier, hein, qui est quand même mmh. celle à laquelle on doit entre ouais, autres ouais. l'outil CRISPR-Cas9, en disant attention, dans ce domaine-là, il faut vraiment mettre des garde-fous parce que ouais, ça va aller très très loin. Il hein. y a eu un olé mondial hein, ouais. Après ça. Une inquiétude aussi. Moi, en ouais. tant que neurobiologiste, je suis un peu inquiète aussi à la manière de comment nos techniques. Qui sont exploratoires et qui sont CRISPR-Cas9, c'est une technique que moi, en tant que généticienne, j'utilise aussi. Donc, bien on sûr. Utilise, on n'a pas à rougir de ces techniques. Mais voilà ce qu'on peut en faire aussi. Par contre, hein. Il y a une voilà face sombre, finalement, aussi à ces recherches. On en discute. C'est aussi autour de Neuroplanète. Hein, ça fait partie vraiment des discussions. C'est donc, en ce moment, jusqu'à demain, au Centre Universitaire Méditerranéen, organisé par nos confrères du Point. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous rejoindre avec tous vos messages, toutes vos questions, franceinter.fr. Et je viens nu vers toi. Bienvenue, c'était Clara Luciani. La tête au carré, Mathieu Vidard. Voilà, Neuroplanète, puisque nous sommes à Nice aujourd'hui dans les studios de nos confrères de France Bleu Azur, Neuroplanète, les extraordinaires pouvoirs du cerveau. Si vous habitez Nice ou la région, vous avez donc jusqu'à demain pour venir rencontrer tous les chercheurs, les intellectuels, les sportifs qui discutent donc autour des thématiques autour du cerveau. C'est gratuit et donc ça se passe au Centre Universitaire Méditerranéen. Jean-François Bouvet, on peut également signaler un objet dont on est très très fier à France Inter. Ah oui, c'est ce hors-série sur le cerveau. Oui, tout à fait, oui. Très bien fait. Il vient de paraître, Les nouvelles frontières du cerveau, la conscience, le coma, l'apprentissage. C'est un hors-série qui paraît avec un grand entretien avec le neurologue Lionel Nakache, oui, qui a été assuré par notre consoeur Lucie Sarfati. Alors, on va discuter avec vous, Laure Tabouy, de vos travaux. Vous êtes chercheuse en neurosciences spécialisée donc, sur le microbiote. Tout à l'heure, à 16h d'ailleurs, hein, vous allez participer à une conférence sur ce thème, ce que le pli de votre cortex pourrait dire de vous. Vous allez intervenir justement en tant que chercheuse en éthique et en neurosciences. On va bien sûr en reparler avec Jean-François Mangin tout à l'heure, mais votre principal sujet d'étude, c'est le microbiote. Exactement. Et ce dialogue intestin-cerveau. On parle d'un dialogue. Il y a une communication, ça discute. Ça discute. Entre ça, le discute sec, et l'intestin, ça discute sec, c'est vrai. Ouais. Ouais. Et comment est-ce que vous travaillez alors sur ce thème et qu'est-ce que vous essayez de savoir exactement? Alors, moi, mon aventure sur le microbiote a commencé il y a à peu près 4 ans, en 2014, en Israël, où j'ai fait mon postdoc là-bas. Et j'ai travaillé vraiment spécifiquement sur le dialogue dans le cas de l'autisme, du spectre autistique. Et au tout départ de cette aventure, je ne savais pas ce que ça voulait dire le microbiote. Et ça a été tout un déroulement de surprises. Autour de ce dialogue, il n'y avait pas grand-chose de fait parce que l'axe intestin-cerveau, on en parle depuis très longtemps à l'INRA, mais la manière dont on l'aborde aujourd'hui est assez neuve et assez surprenante aussi. Ça nous surprend en tant que neurobiologiste parce que ça nous demande aussi de bouger nos concepts, de bouger nos un peu ce que nous on pense savoir pour pouvoir intégrer l'intestin dedans. Ouais. Et un donc peu ça se bouscule dire, ça bouscule les choses. On vit une ère particulière là autour du microbiote. Ouais. Oui, ça bouscule certains concepts. Mm-hmm. Enfin, ça ne gomme aucun concept. Par contre, ça intègre un autre concept dans le gros concept de neurosciences. Ouais. Du coup, c'est assez excitant en fait de travailler là-dedans. Jean-François Bouvet, vous, en tant que journaliste, justement, vous avez vu émerger ce champ de recherche autour du microbiote et l'intérêt que le public lui porte aussi, hein. Absolument, non mais je trouve ça tout à fait fascinant. D'ailleurs, j'ai entendu un chiffre, vous allez me dire s'il est vrai, il paraît qu'on a 2 kilos de bactéries dans l'organisme qui forme ce microbiote. 2 kilos, ouais, c'est pas rien, quoi. Ça prend de la place. C'est plus que le poids du cerveau, ouais, finalement. Hein. Ça prend de la place et c'est 2 kilos et en plus, on a aujourd'hui, il y a eu un papier assez récent, il y a quelques semaines, sur le nombre d'espèces qui augmente au fur et à mesure du temps. Oui. Jusqu'à l'année dernière, c'était 1000, maintenant c'est 2000. Enfin voilà, on augmente nos connaissances sur le microbiote et c'est une population qui est gigantesque, qui est plus que nos propres cellules. Ouais. On est. C'est ça. Est-ce que c'est eux qui nous ont envahis ou est-ce que c'est nous qui les ont envahis? Est-ce qu'on n'habite pas chez nos bactéries? Voilà, on pourrait presque voir les choses comme ça. Qui a envahi l'autre au départ? Oui, on a 1000 fois plus que de neurones, paraît-il aussi. C'est exactement. Ça fait une sacrée différence. Alors, ce terme de deuxième cerveau, pour parler de la flore intestinale, est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas? Alors, oui, au niveau physiologique, oui. L'intestin, le système nerveux entérique, qui est le système nerveux qui entoure tout le système digestif, est le deuxième plus gros réseau de neurones après le cerveau. Donc oui, là, au niveau, il porte son nom. Enfin, il porte vraiment son nom de deuxième cerveau. Après, il a vraiment une place vraiment très particulière, ce système nerveux entérique. Parce qu'il est en lien avec tout ce qu'on mange, tout cet environnement, effectivement. Il est aussi environnemental. Voilà, l'environnemental. Mmh. Et il est aussi en lien avec... ça va même beaucoup plus loin parce que lors de la grossesse, on en parlait tout à l'heure, lors de la grossesse, c'est pas si anodin. Une mère a une relation avec son fœtus, son enfant, son embryon, et du coup, la, la relation entre le microbiote maternel et le développement de l'enfant, le développement du cerveau en particulier, est réelle. Et ça se fait dès la naissance de l'enfant, c'est ça ? Alors, il y a une relation microbiote maternelle au cours de la grossesse, ouais. Et à la naissance, dès la naissance, ouais, c'est le microbiote vaginal. C'est ça. C'est vraiment, ça, on passe tout de suite... S'il n'y a pas de césarienne, donc. Et s'il n'y a pas de césarienne, voilà. Ouais. Il y a deux façons de naître et il y a une différence de population, une différence de composition du microbiote, ouais. En fonction de notre manière de naître. Alors, les pathologies, là aussi, évidemment, c'est ce qui vous intéresse dans ces travaux aussi, oui. Voir le en lien tant que entre neurobiologiste, le oui. microbiote et les pathologies associées. Oui, alors moi, j'ai vraiment commencé, au départ de mon aventure en Israël, je partais vraiment pour étudier les mécanismes épigénétiques dans le cerveau, enfin dans le cerveau des autistes, et voilà, qu'est-ce qui se passait, etc. J'étais vraiment pas partie pour travailler sur le microbiote du tout, du ouais. tout. Et puis en arrivant là-bas, on m'a proposé de manager le projet, savoir un peu ce qui se passait, etc. Dans le... Donc ça veut dire qu'on peut faire un lien entre l'autisme et la flore intestinale ? Voilà, moi j'ai découvert que en analysant chez les souris et chez des cohortes humaines, mm-hmm. qu'il y avait une différence de composition entre des personnes qui portent certaines mutations. Moi j'ai travaillé sur deux mutations particulières, une mutation qui s'appelle Shank3 et une mutation qui s'appelle le chromosome 16, mm-hmm. délétion du chromosome 16. Et Shank3 étant particulièrement assez importante dans la mise en place de l'autisme, dans la révélation de l'autisme, lorsqu'on a cette mutation, Nibuchu en général un autisme assez sévère. Mmh. Et donc j'ai fait effectivement un peu, j'ai travaillé sur les intestins, sur la flore, enfin j'allais dire en anglais les matières fécales, au niveau du sang de mes souris, au niveau du cerveau de mes souris, savoir un peu s'il y avait une corrélation entre la différence de composition et différence de neurotransmetteurs dans certaines... Alors qu'est-ce que vous avez observé en conclusion, hein, pour nous donner justement le résultat de vos Alors, travaux moi, j'ai, sur une j'ai... flore perturbée, par exemple, on peut voilà, dire en fait, des choses comme ça. En tout cas, chez les souris portant cette mutation, j'ai vraiment découvert que accompagnant cette différence de composition, il y avait une différence de d'expression de certains neurotransmetteurs tels que le GABA, le glutamate, et qu'il y avait une différence dans la balance, hein, excitation, inhibition, et que la flore intestinale discutait avec cette balance. Mmh. En fait, comment on peut traduire ça en mots intelligibles pour nous tous qui ne connaissons pas bien ce langage? La flore intestinale produit des molécules qui s'apparentent aux neurotransmetteurs qui vont aller agir directement au niveau du cerveau via différentes voies, mmh. et qui vont aller agir au niveau des synapses et dialoguer ouais. avec les synapses elles-mêmes. Et alors, ça c'est sur la souris ou c'est également chez l'humain ? Alors moi j'ai fait ça sur la souris, donc ouais. voilà, l'humain est en cours de publication, la publication... Et on a à peu près les mêmes résultats ou pas ? Oui. Ouais. Oui. Oui, on a à peu près les mêmes résultats, sauf que l'homme est plus complexe. Donc ouais. Alors ça veut dire quoi sur les perspectives de recherche autour de l'autisme ? Ça veut dire qu'en restaurant par exemple une flore intestinale, on pourrait améliorer la prise en charge du spectre de l'autisme. On pourrait améliorer. Ça s'apparente à un complément de traitement où beaucoup de familles, beaucoup de mamans, quand on leur demande, ont déjà pris les devants au niveau régime alimentaire, etc. Et là, ça s'apparenterait à vraiment à faire un complément pour pouvoir accompagner ces enfants, les déstresser au niveau de leur intestin, au niveau de leur ventre. Pour pouvoir peut-être les ouvrir au niveau social, au niveau ça les stresse beaucoup. Un enfant autiste qui a vraiment mal au ventre, le stress, il va le replier sur lui-même, donc ça va peut-être l'aider à l'ouvrir. Mais vous parliez d'alimentation, ça veut dire que justement en agissant sur l'alimentation, on pourrait voilà. améliorer la sévérité des troubles du spectre de l'autisme. Oh, j'irai pas jusque-là. Ah oui, soyons prudents quand même. Ouais. Non, je dirais pas ça. Par contre, on peut améliorer via l'alimentation, mm-hmm. une ouverture, faire attention. Faire ouais. attention à ce qui nous correspond, ce qui ne nous correspond pas. Ouais. Ouais. Donc, beaucoup de pistes de recherche là aussi. Hein, beaucoup de pistes de recherche. Pour les années qui viennent. Voilà, pour les années qui ouais. viennent. Mais voilà, dans l'obésité, le diabète, il y a beaucoup d'autres pathologies qui sont concernées. L'Alzheimer, la dépression. Il y a eu un article ouais. la semaine dernière sur la dépression qui est assez. En lien également avec la flore intestinale. Ouais. Voilà, il y a beaucoup de pathologies. Ouais, Jean-François Bouvet. Est-ce qu'on est certain que c'est pas la dépression qui agit sur la flore intestinale et non l'inverse ? L'un va influencer l'autre, le cerveau va influencer l'intestin et l'intestin va influencer... Pareil pour l'autisme, à la limite, on pourrait imaginer. Je pense que oui. Ouais. L'autisme étant une pathologie complexe, c'est un syndrome. C'est la complexité de ça fait que il y a un tout. Il y a la génétique, l'épigénétique, bien sûr. Beaucoup de pistes en tout cas à explorer. Exactement. Et d'autres complexités à aborder, c'est dans un instant puisque nous irons dans les plis de notre cortex avec notre prochain invité, Jean-François Mangin. C'est la Tête au Carré en direct de Nice. Embedded in me, that's the heritage ego. And them, hey, they ain't messing with the sleeves though. And now I'm here, can't entertain no bummy boy, need my boy fresh in a tuxedo. Me and my Luke Cage steady blowing. I'm a woman who can teach you a little something about class. Diamonds will forever be a girl's best friend. Everything's imperative for the way I live. I know it's material but not irrelevant. All this here is worked for, not inherited. Tell myself I break my fellas up but never did. Self-loving, need more self-loving. That's how it goes, they wanna know you when you're buzzing. The first things first, number one, I'm priority. Call it what you want, doesn't faze, doesn't bother me, honestly. I can't sleep. Selfish, c'était Little Smith. Eh bien, c'est un symptôme correspondant à un trouble affectant l'activité chimio-électrique du cerveau. Dans le cas de votre fille, il s'agit du lobe temporal que vous voyez ici, latéralement, dans cette portion. Le problème de votre fille, c'est son cerveau. La Tête au Carré. Voilà, c'est un extrait de L'Exorciste hein, pour vous donner des informations sur ce qu'on vient d'entendre. Nous sommes donc à Nice dans le cadre de Neuroplanète avec Le Point. C'est jusqu'à demain. Vous avez deux jours hein, pour venir participer gratuitement à toutes les conférences et aux ateliers organisés autour des pouvoirs du cerveau. Et parmi ces conférences, tout à l'heure, hein, ce sera juste à la sortie de cette émission à 16h, Jean-François Mangin, ce que les plis de votre cortex pourraient dire de vous. C'est intriguant ça comme titre quand on ne connaît pas du tout le sujet. Ça hein. pourrait attirer la foule. Oui, bien sûr. Cela dit, c'est votre sujet de travail quand même. Hein. Oui, depuis 30 ans en fait. C'est vrai? Oui. Ça fait 30 ans que vous êtes dans les plis du cerveau. J'ai toujours pas résolu le problème. Aïe, aïe, aïe. C'est bien, ça laisse du travail pour la future génération en tout cas. Mais qu'est-ce que vous cherchez à savoir alors dans ces plis? En fait, pour la plupart des gens, ces plis, c'est juste un truc que la nature a trouvé pour que notre cortex soit plus grand, qu'on soit plus malin, si j'ose dire. Sans qu'on ait C'est pour gagner de la place, ça? C'est pour gagner de la place. Ouais. Parce que si on avait la tête trop grosse, on aurait des problèmes à l'accouchement. Il aurait fallu que la nature invente la césarienne. C'était pas très évident. Ouais. Et donc, c'est pour ça que ça intéresse pas les gens. En gros, tout à l'heure, on parlait de l'intestin. Pour beaucoup de gens, les plis du cerveau, c'est comme les plis de l'intestin. Et puis, basta. Et en fait, moi, tout petit, si j'ose dire, quand j'étais étudiant, en fait, j'ai rencontré un neurochirurgien qui pensait pas du tout ça, qui lui était spécialiste dans la chirurgie d'épilepsie. Donc, c'est une manière de soigner l'épilepsie. On fait sauter un morceau de cerveau. Et en fait, c'est une grande enquête policière qui vise à découvrir l'endroit qui est à l'origine des crises. Donc, il y a plusieurs étapes. Il y a une étape où on plante des électrodes dans le cerveau pour enregistrer ce qui se passe. Et pour décider des endroits où on plante les électrodes, lui, en fait, il utilisait le pli. Parce qu'il s'était rendu compte que dans la plupart des épilepsies, il y avait une région du cortex qui n'était pas plissée normalement. Et c'est comme ça que tout a commencé. Mais il avait quels outils pour pouvoir le voir? Parce qu'il y a 30 ans, vous imaginez, enfin. Il y a 30 ans, il y avait déjà les IRM. Ouais. Mais vous avez raison, il y a eu vraiment une bascule avec l'apparition de l'IRM, parce qu'avant, les pieds du cerveau, on ne les voyait pas du vivant des malades, donc ça intéressait personne, ça intéressait pas les médecins. Ouais. Il y avait guère que les chirurgiens qui envoyaient un petit bout, mais sanguinolent. Ouais. Donc c'est aussi pour ça que c'est resté dans les oubliettes de la culture, alors que des plis, en général, l'homme fonce dessus, il essaie de les interpréter, regardez les lignes de la main, c'est dans vrai. Toutes les cultures, il est né des histoires incroyables. Et aujourd'hui, on peut les voir, et ça fait 30 ans qu'on les voit, et personne n'a rien trouvé. Ah ça, c'est incroyable. Donc c'est la complexité de ces plis du cortex. Ben, c'est que les gens qui regardent, ils regardent un moment, puis après, ils se disent... Ils se découragent. C'est ça, ils se découragent. Et moi, je me suis pas découragé, parce que peut-être je suis un peu fou dingue, mais c'est aussi parce que je pense que j'ai un allié qui est l'ordinateur, qui m'aide à faire beaucoup de choses, et qui petit à petit va nous permettre de voir la lumière. Donc aujourd'hui, notre vision, c'est... On est un petit peu comme, je sais pas, des extraterrestres qui débarqueraient sur la Terre dans... quelques millénaires, à un moment où la civilisation chinoise aurait été rayée de la carte et qui découvre un corpus de livres... Pourquoi la civilisation chinoise? Vous allez comprendre. C'est lié à ce qu'il y a sur mon t-shirt. L'idéogramme. Ouais. En fait, imaginez qu'on découvre plein de livres écrits en idéogramme à la main, donc chacun les écrit à sa façon et qu'on essaye de comprendre ce que c'est. La première chose qu'il faudrait faire, c'est un dictionnaire de ces idéogrammes. Et en fait, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec nos outils d'intelligence artificielle, c'est faire le premier dictionnaire de tous les idéogrammes du cerveau. Ce qui nous permettra après de savoir si certains idéogrammes sont très rares dans la population générale et indiquent une faiblesse qui peut se matérialiser plus tard sous forme d'une pathologie. Oui. Et pourquoi de telles faiblesses? Parce qu'en fait, la forme des plis, elle est induite par l'architecture qui est derrière. Oui. Mais alors, est-ce que tous les individus ont les mêmes plis dans le cerveau, grossièrement, ou est-ce qu'au contraire, c'est extrêmement varié? Il y a un air de famille pour une espèce de mammifère, mais c'est aussi varié que les empreintes digitales, donc on pourrait vous reconnaître en regardant votre cerveau. C'est ça. C'est une sorte de signature individuelle, quasiment. Ouais. Individuelle. Ouais. Même des jumeaux, en fait, ne se ressemblent pas beaucoup. Ouais. Des vrais jumeaux qui ont des visages identiques, des formes de crâne identiques, quand on regarde leur plissement, ils se ressemblent un peu plus que la moyenne, mais très peu. Ouais. Alors, ces plis, ils existent dans les cerveaux de toutes les espèces animales? Pas toutes les espèces animales. Par exemple, la souris n'est pas plissée. Ah tiens. Et puis, contrairement à l'idée intuitive qu'on pourrait avoir, l'homme n'est pas le plus plissé. Devinez qui est le plus plissé. Ah, alors, une petite espèce ou une grande espèce? Je pense à une espèce qui a un cerveau à peu près de la même taille que celle de l'homme. Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce que ce serait? C'est pas un grand singe, parce que les grands singes ont C'est pas un grand singe, ils sont moins plissés que nous. C'est pas un éléphant? Non. Un dauphin? L'éléphant, peut-être, est plus plissé que nous, mais il a un cerveau plus gros. Non, le dauphin? C'est le dauphin. Ah, le dauphin. Le dauphin est beaucoup, beaucoup plus plissé. Donc, si jamais vous avez l'intuition que la quantité de plis, c'est une manière un marqueur des facultés cognitives, pas du tout. Soit c'est pas du tout ça, soit le dauphin est tellement au-dessus qu'on s'en est pas rendu compte. Ouais. On est peut-être la fourmi du dauphin. Ah oui, c'est ça. Ouais. Mais alors, donc l'abeille, le cerveau de l'abeille, il est plissé aussi ou pas? Je crois le tout petit cerveau de l'abeille. Non, il est pas plissé. Ouais. Il est pas plissé. Mais en fait, il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que l'importance du plissement dépend de la taille du cerveau. Dans l'espèce humaine, plus vous êtes grand, plus vous êtes plissé. Et comme la taille du cerveau, elle dépend de la taille du corps. Ouais. Les hommes sont plus plissés que les femmes. Alors, ça représente quoi en surface, un cerveau déplissé, justement? Oh, ça représente peut-être une très grande pizza à l'américaine. Oui, d'accord. Et alors, donc, l'idée pour vous, c'est d'essayer d'y voir quoi? Alors, en étudiant ces plis de cette façon aussi acharnée? Par exemple, voir des traces de l'architecture spécifique de chacun d'entre nous, parce qu'il s'est passé des choses pendant le développement, mais aussi voir d'autres choses. Par exemple, en fait, notre cerveau, il n'est pas figé à un moment donné, il bouge tout le temps, et des comportements prépondérants vont changer sa forme. Bien sûr, ça change les réseaux de neurones, mais ça change aussi la forme macroscopique. Je vous donne un exemple, les gauchers et les droitiers, ils n'ont pas la même forme de plissement. Il y a une partie du cerveau qui est la partie sensorimotrice, qui est marquée par un très grand sillon, assez facile à reconnaître, il s'appelle le sillon central, et bien, il est plus grand dans l'hémisphère dominant. Et ça, c'est absolument régulier, tout le temps, tout le temps. C'est une loi absolue. C'est statistique. Quand on parle de cerveau, on parle que de statistiques. Ah, c'est d'accord. Pour ça Donc qu'on y a des exceptions. On peut difficilement dire des choses absolues sur les gens les regardant, heureusement. Ouais, ouais, ouais. Mais la question qui se pose, en l'occurrence, est-ce que c'est quelque chose de natif? On est avec, je ne sais pas, plus de neurones dans un hémisphère qui nous conduit à être gaucher ou droitier? Et pas du tout. Mm-hmm. Parce qu'en fait, on a fait la même étude sur des gauchers contrariés et ils sont asymétriques comme les droitiers. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'école, encore aujourd'hui, on écrit beaucoup. Et écrire pendant des heures avec une main, ça développe en fait toutes les connexions entre les neurones de la région motrice. Ça, ça prend de la place et ça pousse le cortex à se plisser un peu plus loin. Ouais. Est-ce que le bébé naît avec tous ses plis déjà tels qu'il les aura à l'âge adulte ou est-ce que quasiment, ça se forme au cours quasiment, de... Quasiment, en fait, tous les motifs sont déjà là. Il reste encore des variations de taille, mais tout se passe in utero. Ouais. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir y accéder parce que dans deux cadres, en fait, on fait des études, on fait passer des IRM au fœtus, soit chez les très grands prématurés parce qu'ils sont suivis dans un cadre de recherche clinique, soit en fait, quand il y a un doute à l'ultrason, la maman elle va passer une IRM et on voit aussi le cerveau de son bébé. Alors vous nous disiez tout à l'heure, justement, Jean-François Mangin, que grâce à l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir recueillir des données et surtout les interpréter, parce qu'on comprend cette complexité des plis du cerveau. Et ça pourrait vous servir à quoi, alors, justement? l'intelligence artificielle de récolter, oui, toutes ces données. En fait, vous êtes tous confrontés au buzz actuel autour de l'intelligence artificielle. On vous parle partout de big data. Ouais. En fait, il se trouve qu'aujourd'hui, ça fait 30 ans qu'il y a des IRM, que des gens passent des IRM, donc il y a des millions de cerveaux sur les listes des ordinateurs. Ah oui. Donc il y a exactement le terreau qui permet à tous ces algorithmes de s'exprimer et de faire émerger des choses qui sont au-delà de l'entendement, de la perception humaine. Pour pas, même pas parler des motifs, quand on parle en fait d'un diagnostic avec une image, oui. Souvent il est lié au fait qu'il y a des changements ténus à différentes parties du cerveau qui sont hors de portée pour le radiologue et que ces algorithmes arrivent à déceler. Est-ce que certaines maladies présentent des plis tout à fait spécifiques, là aussi qui sont des signatures comme vous le disiez tout à l'heure? Oui. Par exemple, des collègues de l'hôpital Sainte-Anne, qui est un petit peu la mecque de la chirurgie de l'épilepsie, ont découvert il y a quelques années, dans une catégorie de patients particulières qui ont des épilepsies qui démarrent dans les régions motrices, qu'il y avait une forme de pli extrêmement rare dans la population générale et qui, de façon ironique, ça correspond au bouton on des ordinateurs. Ah bon ? Incroyable. Et alors, ça correspond à une maladie particulière ou pas du tout ? En fait, souvent, ces épilepsies-là, elles sont générées par le fait que des neurones, en fait, n'arrivent pas à l'endroit où ils sont censés arriver. Ils s'arrêtent en route et ils créent des distorsions du développement qui perturbent le plissement. Ouais. Vous êtes combien dans le monde à travailler sur les plis du cerveau, s'il vous plaît ? Oh, il doit bien y avoir, je sais pas, quelques dizaines d'illuminés, dont beaucoup de Français. Oui, c'est vrai, donc vous êtes très très peu nombreux et ce serait presque une spécialité française. Quasiment, oui. Ouais. Jean-François, c'est fascinant, non, vous ne trouvez pas ? Ah oui, oui. Moi, vous en avez déjà parlé dans le point ? Vous avez déjà fait des articles sur les plis du cerveau ou pas ? Parce que nous, on n'en avait jamais parlé dans la tête au carré. À part la connaissance. C'est quand même incroyable, quoi. Le nombre de fois où on a parlé du cerveau sans jamais évoquer ces plis ou très rarement. Je dois dire à ma grande confusion que j'ai découvert ça en regardant le programme de Neuroplanète pour les autres tables rondes. Oui. Absolument. Donc ce sera à 16h, hein, tout à l'heure, Jean-François Mangin. Vous allez parler avec vos camarades, dont justement Laure Tabouy. Peut-être des questions éthiques aussi. Quelles seraient-elles, Laure Tabouy, autour de l'imagerie, hein, je pense. Autour de l'imagerie, autour de ces interfaces cerveau-machine. Autour de, il y a différentes façons de regarder le cerveau. Des interfaces plutôt invasives, plutôt non invasives. Invasives, c'est intégrer une puce au niveau du cortex ou entre le, au niveau du cerveau pour. Et puis non invasives, qui est l'EEG en fait, qui est une manière d'enregistrer le cerveau, enregistrer l'électricité du cerveau. Oui. Et oui, il y a des questions vraiment éthiques qui se posent. C'est voilà, par exemple, au niveau au niveau question au niveau de l'humeur, au niveau du changement de l'humeur, au niveau du changement de l'émotion, au niveau du changement de la personnalité après une implantation de puce. Qu'est-ce qui si la puce est connectée en Bluetooth, alors ça c'est de la science-fiction, on est vraiment dans l'après, on est vraiment dans le futur, mais on peut peut-être imaginer aussi qu'il y a quand même des illuminés qui vont agir à distance sur les cerveaux, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer voilà, alors c'est du futur, c'est des questions qui sont lointaines, mais ces techniques, elles sont là, du coup. Jean-François Manchin, important d'y réfléchir aussi, parallèlement à vos travaux, à ces questions éthiques. En fait, on y réfléchit à cause du passé, c'est qu'il y a 200 ans, en fait, dans les salons, pendant les dîners, au moment du digestif, on palpait le crâne de son voisin pour essayer d'évaluer la taille de ses bosses, pour essayer de deviner sa personnalité profonde. Ça a laissé la bosse des maths dans le vocabulaire. C'était la grande époque de la phrénologie. Oui, et ça a quand même beaucoup dérivé. Et si on pense à ce qui s'est passé au XXe siècle, c'était très proche de ça. Donc, bien sûr, on est conscient qu'on peut faire un peu n'importe quoi quand on s'intéresse à ce genre de choses. Ce sera à 16h tout à l'heure pour vous qui êtes peut-être à Nice, dans le cadre de Neuroplanète, donc une discussion autour des plis de notre cortex, et ce sera bien sûr au Centre Universitaire Méditerranéen. Dans un instant, notre dernier sujet, aujourd'hui dans ce club niçois, on parlera du sport et des commotions cérébrales. J'ai dépensé ma jeunesse comme une poignée de monnaie. J'ai fait un peu de tout, un peu partout, sans savoir rien faire. La fleur aux dents, c'était tout ce que j'avais. Mais je savais bien que toutes les femmes du monde m'attendaient. Il y a les filles dans ton rêve et celles avec qui l'on dort. Il y a les filles qu'on regrette et celles qui laissent des remords. Il y a les filles que l'on aime et celles qu'on aurait pu aimer. Puis un jour, il y a la femme qu'on attendait. J'ai connu des lits de camp bien plus doux qu'un oreiller et des festins de roi sur le zinc d'un buffet de gare. J'ai connu bien des gens, je les ai tous bien aimés. Mais dans leur visage, au fond, je n'ai rien fait que te chercher. Il y a les filles dans ton rêve et celles avec qui l'on dort. Il y a les filles qu'on regrette et celles qui laissent des remords. Il y a les filles que l'on aime et celles qu'on aurait pu aimer. Puis un jour, il y a la femme qu'on attendait. Un jour ici, l'autre là, un jour riche et l'autre pas. J'avais faim de tout voir, de tout savoir, j'avais tellement à faire. À me tromper de chemin tant de fois, j'ai quand même fini par trouver celui qui mène à toi. Il y a des filles dans ton rêve et celles avec qui l'on dort. Il y a des filles qu'on regrette et celles qui laissent des remords. Il y a des filles que l'on aime et celles qu'on aurait pu aimer. Puis un jour il y a la femme qu'on attendait. La fleur aux dents, c'était Jo Dassin et notre invité Jean-François Mangin se demandait quel rapport il y avait entre Jo Dassin et le cerveau. Ben il y en a pas, c'est juste qu'on avait envie d'écouter La fleur aux dents cet après-midi sur France Inter. La tête au carré sur France Inter. Voilà, Neuroplanète, donc nous sommes à Nice à l'occasion de ce festival autour des pouvoirs du cerveau. C'est jusqu'à demain au Centre Universitaire Méditerranéen avec tous les temps forts sur le site neuroplanète.com. Jean-François Bouvet, encore un petit mot sur un rendez-vous intéressant et qui est très d'actualité en ce moment, celui des fake news. Oui, pourquoi notre cerveau aime les fake news? Pourquoi il aime les fake news? Oui, ouais. Oui, pourquoi il aime les fake news? Et ça, c'est vraiment très intéressant. Moi, je me suis un peu intéressé à ça récemment parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui se propagent de manière virale et qui sont reprises par des médias qui ont pignon sur rue, sans aucune vérification. Bon, je vous en donne un exemple. Par exemple, l'intelligence est transmise par la mer. Bon, ça a fait florès, enfin, ça s'est diffusé sur le net à une vitesse phénoménale, alors que c'est complètement bidon, pour parler vulgairement. Si on regarde la génétique des gènes de l'intelligence, il n'y a aucune raison que ce soit transmis spécifiquement par la mer. Et ça, c'est le genre de truc qui se propage à toute vitesse. Et après, pour revenir dessus, c'est très compliqué. Donc on a une foule d'informations, on a des, ce qu'on appelle les data, les données, mais d'un autre côté, les réseaux sociaux font que n'importe quoi peut aussi avoir pignon sur eux. Et on disait avec un de nos invités mercredi, Mehdi Moussaïd, que les fausses informations circulent 9 fois plus vite sur le net que les vraies. Donc c'est assez troublant de le constater. Flore Marty, vous êtes avec nous pour parler sport et commotion cérébrale. Vous êtes neuropsychologue et spécialisée sur le traumatisme crânien et donc les commotions, et vous travaillez à l'hôpital de Meaux, et vous serez présente demain à 15h30 pour une rencontre qui s'appelle « Gare au coup de tête, choc et hypercute ». Ça rentre directement dans votre champ de recherche. Comment vous êtes spécialisée dans les commotions cérébrales, justement ? Je me suis spécialisée il y a 3 ans. J'ai rencontré Jean-François Sherman, qui est neurologue et qui tient la consultation commotion et sport à Paris. Et je suis à une conférence, j'ai trouvé son intervention intéressante et puis je lui ai demandé s'il connaissait des neuropsychologues qui travaillaient dans le domaine. Il m'a dit non, mais ça tombait bien. venez, je vous forme. Mais voilà, donc ça dure depuis 3 ans et la consultation s'enrichit de façon pluridisciplinaire et ça c'est c'est chouette. Alors je lisais des chiffres absolument incroyables, vous allez me dire si c'est exact ou pas. Rien qu'aux États-Unis, je crois que ces problèmes de commotion cérébrale chez les sportifs concernent quasiment 2 millions de sportifs. Enfin, les chiffres sont énormes. Je pense qu'on peut se dire que tout sportif subira une commotion ou une subcommotion au cours de sa carrière. Parce qu'effectivement, les situations à risque sont nombreuses sont là, et dans les échanges entre les sportifs. Tous les week-ends, ça dépend évidemment de la durée de la carrière, etc. Et du sport. Mais je pense que c'est un phénomène qui est retrouvé partout, dans tous les sports. On va écouter ensemble le témoignage d'un rugbyman, justement, qui va nous parler de ce qui lui est arrivé. Ça nous permettra d'illustrer votre travail. Maxime Villalongue, 25 ans, carreur de sportif, a commencé le rugby à l'âge de 8 ans. Mais aujourd'hui, sa diction... Ça, j'ai la main droite, j'ai une chance sur deux pour que ça finisse par terre. Rappelle qu'il n'est plus tout à fait l'homme qu'il était avant. En février dernier, avec son club d'Orsay en Fédéral 2, la 4e division française, il est victime d'un choc violent, puis un autre, 20 minutes plus tard. J'ai pris un coup de genou derrière la tête, et si vous voulez, dans le temps que l'hémorragie se propage à l'intérieur du cerveau, ça a dû mettre une demi-heure. Et c'est au bout d'une demi-heure, quand le sang a pris toute la place à l'intérieur du cerveau, que là j'ai commencé à me sentir mal, à plus pouvoir parler, avoir des vomissements, plus pouvoir bouger. Ouais. Ce jour-là, il a frôlé la mort, passant ensuite 3 semaines alité à l'hôpital, sans pouvoir parler. J'aurais sûrement des séquelles. Comme le cerveau, j'ai dit, est complexe, on ne peut pas savoir. Mais je pense que si plus jeune, on avait su qu'il pouvait avoir des séquelles au cigare, je pense qu'on aurait fait plus attention à ce que, au choc qu'on peut prendre à Z. Voilà, Flore Marty, vous commentez justement ce qu'on vient d'entendre, mm-hmm. hein, de la part de ce genre dont on entend hein, les problèmes d'élocution qui sont directement liés à son problème. Hein. Effectivement, ce jeune-là a été a subi un syndrome du second impact. Le syndrome du second impact. Du second impact. Ouais. Et c'est le plus grave. Il le décrit bien. Ouais. Voilà. En fait, une commotion, lorsque c'est un trauma crânien léger, ouais. qui entraîne des troubles immédiats et transitoires. Normalement, un joueur récupère en quelques jours, quelques semaines. Ouais. Et on se rend compte que le fait que la dangerosité des commotions, c'est le fait de subir une deuxième commotion, voire 3, 4, dans un laps de temps court. Donc parce c'est l'accumulation que finalement. Il y a un effet cumulatif et c'est là que ça devient dangereux, notamment bah, chez les jeunes donc de moins de 20 ans. Lui, je crois qu'il était un petit peu plus âgé, mais ouais. Parce que bah, ce deuxième impact entraîne un œdème cérébral diffus et qui mène souvent à la mort en quelques minutes. Donc, ouais, c'est ça, il faut aller extrêmement vite. Voilà, c'est ça. Effectivement, ça c'est un sujet qui avait été diffusé sur France 2 en 2017. Mmh. Ça, ce sont des cas auxquels vous êtes confrontés régulièrement dans votre pratique clinique. Ce syndrome du second impact est quand même rare, mmh. heureusement. Mais on a de plus en plus de joueurs, jeunes ou moins jeunes, qui ressentent en tout cas cet effet cumulatif des commotions, sans parler vraiment de syndrome du second impact avec un œdème cérébral. Cette gravité, hein, ouais. Certains joueurs, après plusieurs commotions, et en tout cas peu prises en charge initialement, ont des difficultés à récupérer, ouais. des fois ne récupèrent jamais. Et puis cet effet cumulatif peut aussi être décrit au travers de l'encéphalopathie chronique post-traumatique, c'est-à-dire qu'au-delà des difficultés qu'il y a à court terme, à moyen terme, à long terme, des années après, certains joueurs peuvent développer une démence qui appartient à la même famille qu'Alzheimer, mais avec des troubles comportementaux, des troubles mm-hmm. psychologiques. Ouais. Le problème, finalement, c'est de le déceler le plus tôt possible, parce que les images ne parlent pas forcément, c'est justement. C'est ça, en fait, hein. la commotion entraîne des troubles ouais. Cognitifs, etc., à court terme. Donc ça, on peut le repérer, mm-hmm. mais c'est un handicap invisible. Et quand les joueurs vont aux urgences, on fait un scan, on voit rien, en fait, technique d'imagerie traditionnelle. Donc c'est compliqué. Alors comment vous faites pour le voir précisément? Alors le diagnostic, souvent, l'intérêt c'est que le joueur, dès qu'il y a des signes commotionnels, l'intérêt mmh. c'est vraiment que le joueur sorte tout de suite et ne se reprenne pas un coup sur la tête. Et nous on les voit à 48, 72 heures après la commotion. Ouais. Et c'est là qu'on va établir le diagnostic. Ouais. Parce que même avec des signes sur le terrain, certains peuvent survenir quelques heures après. On va faire toute une batterie de tests, un entretien. Mmh. C'est ça qui va être le plus important. Et en fait, on se rend compte que l'évaluation cognitive, l'évaluation de l'équilibre, les plaintes du joueur, notamment des changements d'humeur, une irritabilité, mmh. etc. Ce sont les signes clairs d'une commotion. Ouais. Donc les entretiens, l'échange et les signes éprouvés, en tout cas par le joueur, sont absolument essentiels pour vous, hein, pour arriver à poser un bon diagnostic. D'où l'importance d'aller consulter un spécialiste de la commotion. Ouais. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises aujourd'hui dans les différents sports? Il y a Jean-Paul qui nous dit que le rugby est un sport qui a beaucoup évolué, c'est professionnalisé, et la masse des rugbymen s'est tellement développée qu'ils sont très exposés aux coups. Alors, il y a des mesures. L'année dernière, il y a eu l'Observatoire médical du rugby qui a été mis en place. Ouais. Des mesures ont été proposées, plus de 50 mesures, qui visent surtout la prévention des commotions. Ouais. C'est-à-dire qu'on va éviter, on va essayer de changer la règle pour éviter que le joueur se fasse trop mal, la hanche ou le genou. Mais moi, c'est un petit peu mon regret, c'est qu'on n'a pas suffisamment parlé, je pense, de la prise en charge après. Parce qu'on ne pourra jamais éviter toutes les situations à bien risque. Sûr. Et il est important aussi qu'on réfléchisse à comment, évidemment, éduquer et sensibiliser les joueurs et leur entourage. Mmh. Parce qu'un joueur qui est commotionné sur le terrain, du fait des lésions cérébrales, de la désorientation, il n'aura pas forcément conscience qu'il a mal à la tête et qu'il n'est pas bien. Ce qu'on appelle le syndrome de l'automate, où on voit des joueurs qui restent sur le terrain, la mémoire procédurale est préservée, donc il fait tout ce qu'il sait faire, mais par contre, il a oublié toutes les combinaisons, il court du mauvais côté, etc. D'où l'importance de prévenir, d'informer le plus tôt possible et d'aller des voir, risques de sortir qui sont présents. Du terrain. Et ça fait partie donc de votre activité de neuropsychologue spécialisée sur le traumatisme crânien. Et vous en parlerez donc demain après-midi dans le cadre de Neuroplanète, Flore Marty. Voilà, tout le programme, si vous êtes à Nice, dans la région, sur la Côte d'Azur, c'est neuroplanète.com pour savoir exactement ce que vous pouvez aller voir comme conférence. Et sachez que tout à l'heure, à 18h30, je serai en compagnie de Lionel Naka, justement, au Centre Universitaire Méditerranéen pour vous présenter la conférence sur le cerveau autour de l'attention et de la concentration qui avait eu lieu au studio 104 de la Maison de la Radio en février dernier. Et d'ailleurs, le prochain rendez-vous, ce sera le 18 avril au studio 104 autour du sommeil. Voilà, Neuroplanète avec Le Point et France Inter. Passez tous un très bon week-end.